Eh bien voilà, il est un petit peu plus de 16h, 16h04 exactement. C'était ce neuvième vol avec... aujourd'hui, c'était donc l'hypnose. Ça y est, ils m'ont presque endormi. Et là, nous allons passer dans la nouvelle formule. Donc, la pochette surprise. Didienko, Arc-en-Ciel Orléans, pochette surprise. Oh. toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 16h12 et c'est toujours Didier & Co, pochette surprise, partie, surprise partie, numéro 2. Square rooms are human without illusion.

59, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Nous sommes dans Didier Co et le vol va se terminer ici avec Monsieur Claude Nougaro. Monsieur Claude Nougaro qui nous chante façon de mon Dieu. Et nous repasserons un petit vol du côté du Portugal. Saluer nos amis de RDP dans quelques minutes, une heure à peine. En 30 secondes, à très bientôt, à jeudi prochain, bien évidemment, Didier & Co à partir de 14h. Merci de votre écoute. No terreno e uma avaliação rigorosa e transparente de tudo o que aconteceu. O Governo não se limita a acompanhar os acontecimentos. Assume a responsabilidade das